Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission Kick Clap on tourne et aujourd'hui je vais faire Jean le Poulain avec son film Le Bossu. Et à la technique, c'est Marcus, bonjour Tanguy. Bonjour Marcus, je vais commencer par la biographie de Jean le Poulain. Biographie, naissance, il est né le 12 septembre 1924 à Marseille, il est décédé le 1er mars 1988 à 63 ans à Paris. Activité, acteur, biographie. Il apprend son métier au cours Simon à Paris, à la même époque que Jacqueline Maillan, et obtient un premier prix de comédie au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 1949. Pendant sa jeunesse, il pratique également le rugby pour lequel il gardera une grande passion. Jean Villard le recrute au Théâtre National Populaire. Il donne la réplique à Gérard Philippe au Théâtre des Champs-Élysées en 1952 dans Le Prince de Hombourg. Jean le Poulain est en premier lieu un acteur et metteur en scène de théâtre, mais il fait également de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision. Entré à la Comédie Française en 1978, il en devient sociétaire à partir de 1979, puis administrateur général du 1er septembre 1986 jusqu'à sa mort, où il tient notamment le rôle de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Suivez-moi tous deux, que j'aille un peu montrer mon habit par la ville, et surtout, ayez soin de marcher immédiatement sur mes pas. Appelez-moi Nicole, j'ai quelques ordres à lui donner. Ne bougez, la voici. Nicole ? Écoutez. Mais que tu as à rire. Que veut dire cette coquille-là? Comme pourquoi la batte? Mais comment cela? Oh mon Dieu! Tiens, François la fripote, démarque-toi! Mais monsieur, j'en serais bien frappé! Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage! Oh monsieur, je ne suis pas mon empêcher! Mais tu t'arrêtes pas! Sur la joue, le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Mais eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Faut que pour tantôt, tu nettoies. Il faut, dis-je, que tu nettoies comme il faut. Il faut que tu nettoies la salle et... Retenez, monsieur, oui, passez-moi plutôt une blessure de mon sang. Oh, ça me fera plaisir. Oh, monsieur de grâce, monsieur de blessure. Si je te prends... Oh, monsieur, je crèverai si je ne ris. Mais a-t-on jamais vu une fortune comme celle-là? Tu me viens à rire, reste sur la mentonnée. Au lieu de recevoir mes ordres. Que tu songes, coquine, à préparer la maison pour la compagnie qui va venir tonton. Par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies sont en de désordre. Vous êtes de retour de l'émission Kick Clap on tourne et vous avez entendu un petit extrait de théâtre de Jean le Poulain dans le rôle de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Il a marqué de son empreinte l'émission télévisée au théâtre ce soir, notamment les pièces comme Le Noir te va si bien. Jeanne ! Dépêchez-vous, chérie, dépêchez-vous ! Les champignons doivent être à peine cuits ! Sinon, ils perdent en propriété vénéné. Vénéné, venez vite, Jeanne ! Je suis folle, moi, j'étais réaction. J'allais lui. C'est mon ange. Espèce de. Oh non, John laisse tout traîner. Il est vraiment insensé. Voilà, sa montre maintenant. Sa montre qui. Tiens. Mais qui sont ces dames dans le boîtier? Et il y a leur nom. Akamanda, Barbara, Carole, Linda, Alexandra et quoi? Elisabeth? Mais Elisabeth, c'était le nom de sa femme? Alors les autres? Mais les autres sont nés en plus. Qu'est-ce que c'est? Allô, mais Saline appelle Jeanne d'Arc. Allô, mais Saline appelle Jeanne d'Arc. Et vous entend mal, Jeanne d'Arc? Mon frère Robert, mon frère Robert, mais à qui parlez-vous donc? Allô? Allô, mais Saline? Quoi? Prétendez, mais Saline. Oh, Robert, Robert, eh bien Robert, c'est moi que vous appelez mes salines? Vous répondez oui ou merde. Sortez Robert. Oui mes salines. Sortez immédiatement. Sortez immédiatement. Stupide ce garçon, stupide. Instructive cette montre, mais affreuse cette dame. John, oh mon chéri, que vous êtes beau! Je suis ravi de vous plaire, Lucie! Et enchanté d'apprendre que je ne suis pas le seul à connaître ce bonheur. D'où sortez-vous, tous ces messieurs? Ciel! D'où sortez-vous, toutes ces dames? Ciel! Madame est servie! À table! À table, vite, pendant que c'est chaud! Alors, vous devez être affamé parce que la chasse aux champignons, ça creuse un trou. Oui, ça, pour creuser un trou, ça va creuser un trou. Effectivement, il y a dans ce potage comme un avant-goût de paradis, hein? Je vais rejoindre ma Dorothée. Non, c'est pas la peine, elle est dans sa chambre. Oui, le colonel l'a assommé. Oh, involontairement, bien sûr. Oh, je monte la voir tout de suite. Au fait, comment va-t-elle? Oh, très bien. Elle a le nez comme une aubergine. Dites-moi, ma tendre amie, vous divorcez facilement? Jamais, mon chéri. Mes convictions religieuses s'y opposent. 5 fois veuve, vous auriez pu me prévenir. Et vous? Oh, Dorothée ne bougera pas. Elle prendra juste un peu de bouillon de légumes. Bah, vous n'avez pas encore commencé? Écoutez, ne laissez pas refroidir, ce serait un crime. Enlevez d'une femme qui ne mourra jamais. Vous êtes de retour de la maison qui éclate en tourne. Vous avez entendu une petite pièce de théâtre de 1972, Le Noir te va si bien, de Jean Marsan, mise en scène Jean Le Poulain. 1976, Volpone de Jules Romain. 1979, La puce à l'oreille de Georges Feydeau. Et 1980, Le bourgeois gentilhomme. Filmographie, cinéma. 1947, Les aventures des Péniclés. 1960, Le Sahara brûle. 1962, Le gorille a mordu l'archevêque de Maurice Labreau. Et 1962, Les mystères de Paris de André Hunebelle. Allez, emmène la petite. T'es fou? Qu'est-ce que je te dis? Vous êtes de retour de Monsieur qui clape en tourne et vous avez entendu un court petit extrait des Mystères de Paris d'André Hunebelle de 1962. 1968, Salut Berthe de Guy Lefranc. 1970, Ex-Asso de Guy Lefranc. Et 1978, Je te tiens, tu me tiens par la barbichette de Jean-Yann. J'en ai fini sur sa biographie, je passe à son film Le Bossu. Réalisation André Hunebelle. Acteurs principaux Jean Marais, Bourville et Jean Le Poulain. Genre film de KPDP, durée 112 minutes. Et le film est sorti en 1959. Synopsis, résumé du film. Le prince Philippe de Gonzague décide de se débarrasser de son cousin, le duc Philippe de Nevers, car il convoite ses biens et ses richesses. Nevers est secrètement marié à Isabelle de Calius, qui lui a donné une fille Aurore. Gonzague charge Monsieur de Périrolles, son âme damnée, d'agir. Un chevalier, Henri de Lagardère, vient prêter main forte au duc, mais il ne peut empêcher son assassinat par Gonzague en personne. Il le blesse à la main, puis le laisse filer en lui disant « Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ». Lagardère fait serment au mourant de le venger et de prendre soin de l'enfant qu'il emporte en Espagne avec son fidèle serviteur et ami Passepoil. Madame, un irréparable malheur vient de nous frapper. Votre mari, mon cher cousin, mon meilleur ami, Philippe de Nevers, n'est plus. Il a succombé sous les coups de misérables bandits commandés par un aventurier du nom de Lagardère. Et sachez, messieurs, que nous ne dormirons pas avant d'avoir retrouvé ces voleurs d'enfants. Allez, cherchez. Je dois avoir soif. Bon, ben, arrêtons-nous. Tiens, va jusqu'à la maison, là-bas, au bord de la route. Ça doit être une auberge, je te rapporterai un pichet de lait. Alors, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous voir par ici? On recherche deux bandits assassins qui veulent passer la frontière. Ils ont volé un enfant. Voilà notre pot de lait pour la... Oui, mais ça va. Si on les trouve, on les tuera sur place. Je tiens pas à ce que ça soit ma veuve qui touche la prime, hein? Tu trouves ça drôle, toi, que je parle de ma veuve? Hein? Non, non, mais je... Le rire, c'est communicatif. À toutes les époques, les hommes ont dû fuir devant des accusations calomnieuses pour tenir leur serment et éviter le pire. Heureusement, à toutes les époques, les hommes ont surgi pour venger les victimes, confondre les corrupteurs, châtier les coupables et les assassins. La race des D'Artagnan, des Don Quichotte et des Robin des Bois, Lagardère est toujours présent pour combattre l'injustice et défendre les opprimés. Quelles que soient les menaces et les perfidies, l'épée de Lagardère défendra toujours la bonne cause. Tu agissais sur les ordres du roi. Je te laisse donc la vie. Dans Le Bossu, ce merveilleux film de cape et d'épée, Jean Marais a trouvé son rôle le meilleur et le plus dynamique. Bourville, dans Passepoil, crée l'un des personnages les plus pittoresques et les plus drôles de sa carrière. Avec Sabina Selman, la révélation du cinéma européen. Qui est-il, madame? Monseigneur, je peux vous certifier que ma fille Aurore de Nevers est vivante. François Chaumette de la Comédie Française. Et avec la complicité d'un mystérieux personnage, le Bossu. Fort bien, monseigneur. Ils vous entraîneront tous dans des aventures violentes. Sentimentales. Oh, Henri, comme je suis heureuse. Écoute, Aurore, s'il n'est pas ton père et que ton Lagardère n'est pas fou d'amour pour toi, c'est qu'il en aime une autre. Une autre? Cocasse. Attends, on va voir s'il est muet. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! C'est mon bonhomme! C'est lui! Arrêtez de suivre lui! Allez. Émouvante. Mon enfant. Le Bossu est la plus brillante réalisation d'André Unebelle. C'est un film fastueux, mystérieux. Mettez votre masque, monseigneur. Captivant. Dramatique. Lâche ! Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la galère ira à toi. Mais vous irez tous à la Gardère, en venant voir Le Bossu, notre prochain spectacle. Vous êtes de retour de Musique qui clape on tourne et vous avez entendu le premier petit extrait du film. Quelques années plus tard, Gonzague est parvenu à épouser Isabelle. Obtient un conseil de famille devant statuer avec, sur la succession de Nevers. Lagardère rentre alors en France. Il endosse la silhouette d'un bossu et réussit à se faire inviter au bal du régent afin de présenter Aurore. Celle-ci est enlevée. Le bossu, après avoir fait parler et tuer Périrolle, vient la délivrer chez Gonzague avec lequel il engage un duel acharné en présence du régent et d'Isabelle de Calius, prévenue par Passepoil d'une botte foudroyante, la botte de Nevers. Lagardère tue l'assassin de Nevers et reçoit Aurore des mains de sa mère. De retour dans l'émission qui clape on tourne, vous avez entendu le dernier petit extrait du film. Fiche technique, titre original Le Bossu, réalisation André Unebelle, et la musique est de Jean Marion, maître d'armes André Gardère, pays d'origine France-Italie, la langue est en français, format couleur, le genre du film c'est film de cap et d'épée, durée 115 minutes, et date de sortie en France le 13 janvier 1960. Les acteurs, Jean Marais, c'est Henri de Lagardère, alias Le Bossu. Bourville, c'est Passepoil. Sabine Zellmann, c'est Aurore de Nevers. Jean Le Poulain, c'est Monsieur de Périrolle. Hubert Noël, c'est le duc Philippe de Nevers. Et Paul Combeau, c'est Philippe d'Orléans, le régent. Et François Chaumette, c'est Philippe de Gonzague. Autour du film. Le tournage a eu lieu du 19 mai au 28 juillet 1959, les studios de Saint-Maurice. Un certain nombre de scènes ont été tournées au château de Pierrefonds dans l'Oise. car il est censé représenter le château de Callius, où réside Isabelle de Callius, et dans les fossés duquel Gonzague assassine Nevers d'un coup d'épée dans le dos. Plusieurs scènes ont été tournées dans les Pyrénées-Orientales en juin 1959, notamment les scènes des quatre spadassins envoyés en Espagne pour liquider la Gardère et la fille du duc de Nevers. A été tournée au Pont du Diable à Céret. La scène du marché ainsi que celle censée se dérouler à Ségovie ont été tournées dans la ville de Villefranche de Gonflans. J'en ai fini sur ce film et sur cet acteur, et je peux vous dire que la rediffusion c'est le lundi matin à 9h et que dans 15 jours c'est Pierre Dux. Bonne semaine à tous, au revoir.